able to listen, able to create. C'est cher. Ninja, c'est cher. I don't wanna wake your sister up. But I think we need his flute. We need her flute. Holy, I'm so power glad that you to don't. The people. Telegram. Yeah. If we I'm want, so we can that take power to the people. Power. Du volcan my libido, my volcano, the humor. Human behavior. Human. Human. Human. Human. Human. Human. Human. Human. Human. Quel côté? Ah, se positionner. Facile a priori de se positionner. Plutôt que l'autre, un côté, plutôt que l'autre, un côté, mais quel côté du pipeline se pose facture. Quel côté poses. You just crumbled my eggs. Quel côté mal taillé de quel côté. Du pipeline avant l'explosion. Soft power en action. When my pipeline leaking out in the sea. When my pipeline leaking like the fall. Quel côté Vers l'espace et le temps, les continents, nous sommes Wadi, Yann Le Rouge, capable d'entendre dépareillés. Nous sommes légion, capable d'entendre. Carapacé pour affronter le dehors, ici et maintenant. About to create, about to listen, about to share, yeah. Just sound, sound. Sounds in the universe, sounds way of the universe. About to plant, about to touch, about to sense, about to low. It sounds to me like scramble axe. It's just another way to change a simple clothes of the one wanna make. Derrière les théâtres d'opérations, just like greed and sins to 2009. À you and the wit in Fruity Loops, you and the wit in Pro Tools, you can do it in Ableton, you can do it in maybe acid, no? I mean, with you, my friend, select a bunch of my brother, samples, my sister, we are able about to share with a sample, no group. My friend, my boy, my brother, my sister, yeah. We know we need to restore our rhythmic existence, yeah. You know, I agree. I know you need in crumble, you know, I need crumble eggs to restore my can't touch this. You really like it? Can't touch this. My sister, we know we need, you know I need, I know I need to restore my rhizomatic system, rhizomatic system. Sister, you know. I know I need restore a rhizomatic system. Restore a rhizomatic system. Yeah. You know it's a system. Yeah. We are whole and let's. Cette civilisation, non, n'est pas la fin du monde. Justement, justement, dans la zone du dehors, nous allons car sensible. Nous sommes car sensibles, nous sommes sensible. We are révolutionnaires parce que sensibles. We are sensible, we are about you, we are about you, we are able to make sounds. Révolutionnaire parce que sensible. Villanova, Ghost, Sensible, révolutionnaire. We'll be right back. about to create, about to love. Les outils de travail, réapproprier la fin de cette civilisation. Non, n'est pas la fin du monde. Nadie na vida, civilization. Nadie na vida. Nadie na vida. The end of this civilization is not the end of the world. End of this civil day. L'espace, le temps, les continents, dans une, à travers, l'espace et le temps. la force, the power, above me. Ça. We'll be right back. calme. Calme et reposé. Pas moi. Pas tellement calme. Pas tellement reposé. Un soir historique, comme tous les soirs devraient être. Un soir historique, à la fin. Sur un promontoire. On se retrouvera tranquille, posé, mon ami. Quand j'ai trop bu, mon corps me le dit. So. Quand j'ai trop bu, mon corps. Quand j'ai trop bu, corps, mon corps sature. et a besoin de légèreté. Take you away. transmettre le pouvoir de créer des situations à travers le monde, à travers les familles. La puissance, le pouvoir de créer des situations. Nous avons power. De transmettre à nos fils Open OPO. Un futur est possible. C'est possible. Un futur est possible. Dans certains endroits. Un futur est possible. Dans certains endroits. Futur et espace pour maçonne. Do you think it's possible? Wait. Restons calmes.